Chili Peppers sur RTL2. Scartissu. RTL2, la chanson du jour. Alors, j'ai déjà vendu la mèche. Bon, évidemment, c'est Coldplay ce matin qui sera la chanson du jour. Après Dire Straits, hier, on reste en Angleterre avec le groupe mythique Coldplay sur l'album en 2003, A Rush of Blood to the Head. Grammy Award de la chanson de l'année en 2003, devant quand même cette année-là, il y avait quelques tubes, Eya d'Outkast ou encore Crazy in Love de Beyoncé. Ah, pas mal. Bon, on parle quand même d'un bon gros tube. Le riff, le rythme est arrivé dans la tête de Chris Martin, le leader de Coldplay. Une nuit, il était à Liverpool en entrant en studio. Il était tellement convaincu que ça allait marcher, qui s'est rué sur un piano pour jouer tout de suite, l'enregistrer et ne pas l'oublier. D'accord ? Est-ce que vous savez qui a inspiré cette chanson dans l'esprit, hein, pas pour les notes de musique, mais de quel groupe ils se sont inspirés Coldplay pour cette chanson ? Un groupe ? Ouais. Bah vas-y, donne un indice. Le groupe Muse. Ah. Ils se sont dit, tiens, c'est une chanson que Muse pourrait chanter. C'est dans le rythme, dans les sonorités, une chanson que c'est Muse pourrait avoir. Du coup, ils avouent s'être humblement inspirés de Muse. C'est assez étonnant de la part de Coldplay, mais en tout cas, je trouve ça plutôt fair play de le dire. C'est une chanson d'amour, évidemment, qui parle d'une relation conflictuelle, mais intense. Chanson énormément reprise au ciné, dans la pub, dans les séries, et élue chanson de la décennie par la BBC. Chanson 2003-2012. On les écoute ? C'est Coldplay Clocks sur RTL2. Chanson du jour, la voix de Chris Martin et Clocks. C'est bien, hein?

I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. RTL de 7h46, Vanity Fair a dévoilé son classement des 50 Français les plus influents. On n'y est pas, Justine, classement. C'est pas très étonnant. Non, c'est vraiment décevant. Mbappé est troisième, c'est Heidi Slimane le couturier et Leila Slimani qui sont dans les deux premières positions. Ah oui. Et Jane et Christine and the Queen sont dans le top 20. Pas mal. Ça, c'est classe. Ouais, c'est la classe. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Sur RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. Damien, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Yuri, bonjour Justine. Salut bonjour. Damien, ça va? Ah, très bien, je vous ai au téléphone, ça va super bien. Oh bah ouais, mais nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Vous qui êtes à Prouvy, c'est dans le nord de la France, à côté de Valenciennes. Quel métier exercez-vous? Je suis dessinateur industriel dans l'industrie. Mais alors, dans quel type d'industrie on peut savoir? Ou vous avez plusieurs... Je travaille dans... Enfin, on a plusieurs activités. Je suis dans la lessive. Ah, ok. D'accord. Très bien. Donc, c'est-à-dire que le dessin du chat ou le logo d'Ariel ou de Skip, dans ces plusieurs, c'est vous, ça, par exemple? Le deuxième, c'est ça. Le deuxième était le bon. Ah, ouais, on a trouvé. Parfait. Je vois que vous aimez l'informatique comme passion. Racontez-nous, c'est-à-dire, vous faites des codes le week-end, tranquillement? Ah non, pas des codes, mais c'est l'informatique, c'est les objets connectés, c'est les nouvelles technologies. Oui, je pense que c'est attrait à mon travail, ouais. C'est toujours pratique d'avoir un homme comme vous à la maison. Ouais. Bah, moi, je suis pas pratique, du coup. Je suis d'accord avec vous. Avec le Black Friday qui arrive, pourquoi pas 10 000 euros à gagner pour vous faire plaisir, hein. Du coup, dans ce cas-là, ça pourrait être pas mal. Des vacances, des séjours, plein d'autres choses. Attention, le coffre vide, c'est la banque RTL de Top Chrono, Damien. Voici le coffre 1, bonne chance. Un smartphone Samsung Galaxy S9. Bim, direct. 859 euros, le smartphone. Je prends. S'arrête là? On prend ça? On s'arrête là tout de suite. Je vois que vous aimez les nouvelles technologies, c'est gagné, bravo! Oui, exactement. Super, merci beaucoup. Allez hop, rapide, hein, cette petite banque. Bravo Damien. Ah bah oui, là, la toute première. Ouais. Là, c'est parfait. Je connais pas beaucoup d'activités où en 10 secondes, on gagne plus de 800 euros de cadeaux. Bravo Damien, on va quand même écouter. On va quand même écouter ensemble ce qu'il y avait dans le coffre numéro 2. Une tablette Surface Pro. Ah oui, il y avait une belle tablette à 1000 euros. Ah, c'est une belle banque. C'était super aussi. C'est super cadeau à la première proposition. On s'arrête là. Ça nous fait plaisir pour jouer avec nous dans moins d'une heure. 32-28 ou banque au 74-900. On vous embrasse Damien et... Damien, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un double expresso, bien sûr. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood in my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna. Imagine Dragons, Natural sur RTL 2, 7h54. RTL 2, les savoirs inutiles. Pour épater les copains. Chantilly, Enghien, Soisy, Longchamp. Direction les hippodromes ce matin pour les savoirs inutiles. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tiercé Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal Tiercé Magazine. Ah oui, le Tiercé, bien sûr, c'est mon dada. Alors, comme tous les animaux de compagnie, vous le savez, les chevaux ont des noms qui sont d'ailleurs souvent à rallonge. Ouais, vous voyez ça dans le journal. À l'instar des chiens, leur nom commence par une lettre qui est attribuée par année et qui doit figurer en début de nom. D'accord. Mais il faut savoir que les codes de course imposent de nombreuses règles à respecter. C'est-à-dire? Jusque-là, rien de très étonnant. Vous pourrez l'observer en allant faire votre tiercé dimanche, par exemple. Le nom d'un cheval de course ne peut dépasser 18 lettres, signes et espaces compris. 18 lettres, maxi. 18 signes, en fait. Maxi. Ah ouais. Alors, malgré cette contrainte, vous le verrez quand même, certains propriétaires ont de l'imagination, puisqu'on peut trouver des noms comme ta chouchoute. Et plus poétique, d'amour et d'eau fraîche, mais d'eau, D-O. Parce qu'on n'a pas la place de mettre D-E-A-U.

vous gêner le passage. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez, en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter. Excellent mercredi matin. Il est 8h, vous êtes sur RTL 2. Bonjour. Je sens pas non-star RTL 2. 8h, voici vos infos. C'est avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Alors Raphaël, un nouveau binôme à la tête de Renault. Philippe Laguayette et Thierry Bolloré prennent provisoirement la direction du groupe. Carlos Ghosn, qui a été arrêté au Japon pour des soupçons de fraude fiscale, reste le PDG de la marque aux losanges le temps de l'enquête. En revanche, Nissan devrait le limoger dès demain lors d'un conseil d'administration. On apprend ce matin que sa garde à vue va être prolongée de 10 jours. Un homosexuel agressé toutes les 33 heures en France. Plus de 1000 violences recensées rien que l'an dernier. Des dizaines de personnalités appellent ce matin les politiques à réagir face à la multiplication des agressions homophobes. Parmi les signataires de la pétition mise en ligne sur change.org et sur le site de l'Express, le chanteur Benjamin Biolay, l'humoriste Florence Foresti, l'ex-footballeur Lilian Thuram ou encore le comédien Gilles Lelouch et le chef étoilé Thierry Marx. Les gilets jaunes ne lâchent rien. Cinquième jour de mobilisation ce mercredi. Les blocages et les barrages filtrants doivent se poursuivre ce matin. Hier, le gouvernement a dénoncé la radicalisation et la dérive du mouvement. Depuis samedi, 530 personnes ont été blessées et 2 sont mortes. À noter que le mouvement a reçu le soutien de FO, Force Ouvrière, qui doit par ailleurs élire aujourd'hui son nouveau secrétaire général. Les dirigeants du syndicat ont rendez-vous ce matin au siège de la Confédération à Paris. Pascal Pavageau avait dû démissionner il y a un mois après les révélations sur le fichage de certains cadres. 144 000 euros reçus par chèque, virement ou bien par paiements électroniques. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour identifier l'origine de ces dons reçus l'an dernier par La République En Marche. La justice cherche à identifier le ou les donateurs afin de vérifier qu'une même personne n'a pas déplacé le plafond autorisé pour les versements à des partis politiques, plafond fixé à 7 500 euros. Allez, on passe au sport avec en foot. Une victoire hier soir pour les Bleus pour bien finir l'année. Hein. Et oui, les champions du monde finissent avec un succès. Ils ont battu l'Uruguay en amical 1-0 sur un pénalty d'Olivier Giroud. Une rencontre marquée par la sortie de Kylian Mbappé, blessé après une chute. De quoi inquiéter le PSG à une semaine d'un match capital face à Liverpool en Ligue des Champions. D'autant que de son côté, Neymar aussi a été blessé à l'adducteur. La météo ce matin, à l'exception de l'Alsace, on y croit quand même. Non, mais surtout la météo, je vous écoute, oui, je vois vos paroles. On attend des éclaircies uniquement en Alsace. Le temps restera perturbé ce matin, en tout cas. Du nord-est au centre-est du pays jusqu'au pourtour méditerranéen. Sur l'est du Languedoc et en région PACA, les pluies seront encore soutenues, parfois orageuses sur la côte d'Azur. Même chose en Corse. Il neigera au-dessus de 1500 mètres sur le relief alpin. Sur la moitié ouest du pays, là, le ciel alternera entre nuages et éclaircies cet après-midi. Attention aux gelées et aux brouillards givrants. Les températures, moins 2 degrés à Strasbourg ce matin, moins 1 à Rouen, 2 à Landerneau, 0 à Paris, 8 à Brignoles, 12 à Aléria. On attend 5 à Mulhouse cet après-midi, 8 à La Rochelle et 13 à Cannes. Le double expresso de 6h à 9h sur RTL 2. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. That kills me, makes me feel alive. this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Everything that drowns me makes me wanna fly. One Republic Counting Stars sur RTL2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Le double expresso RTL2 de 6h à 9h. J'ai besoin de réconfort. Applaudissements pour l'équipe et pour tout le double expresso. Et applaudissements pour toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Oui, surtout pour vous. Voilà. J'avais envie qu'on applaudisse ce matin. Bonjour à tous. Bonjour Justine. Bonjour Greg. Bonjour tout le monde. Et on peut le faire, on le fait. Tu vois, voilà, évidemment. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour Jérémy qui est à la réalisation. Bonjour. Max aux réseaux sociaux. On va faire un point Movember. Ben oui, c'est le mois de la moustache pour la santé masculine qui célèbre ses 7 ans en France. Mmh. Alors l'ambition de Movember Foundation, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est de faire la prévention auprès des hommes de tous âges, de faire progresser la recherche en particulier sur le cancer de la prostate, le cancer des testicules et de la santé mentale. Voilà, alors c'est pas forcément très joyeux comme sujet, non, mais c'est indispensable mais d'en parler, vous le savez. Et évidemment, c'est notre rôle de le faire, nous médias et notamment dans le double expresso, parce qu'il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est le second cancer le plus répandu chez les hommes dans le monde et le premier en France. Il y a un homme sur 8 a un cancer de la prostate diagnostiqué. Alors je sais bien, c'est pas très très joyeux, mais vraiment, il faut en parler, c'est important de le faire. Pour participer, il y a le site fr.movember.com. On se fait pousser la moustache, nous les gars, hein, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Il faut également relever un challenge move en courant ou en marchant 60 km dans le mois, organiser ou assister à un événement Movember et puis faire un don sur movember.com. Et la fondation a financé plus de 1200 projets quand même sur la santé masculine partout dans le monde. Bon. À ce jour, plus de 5 millions de personnes se sont mobilisées et ont récolté plus de 654 millions d'euros. Donc on continue. Voilà, on lâche rien évidemment. Et nous, on a une barbe autour de la moustache, mais on a la moustache dans l'équipe. Évidemment, vous voyez ça sur les photos du jour, notamment sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. I'm telling you on how I feel. Gonna catch your mind. Don't you dare jump on, jump on. Get on me, all right.